Ce panneau signale l'entrée d'une zone à stationnement interdit. Une zone peut être constituée d'une rue, d'une partie de l'agglomération ou alors s'étendre à toute l'agglomération.